Antena 1. Après-midi à tous, bienvenue dans l'univers des musiques traditionnelles, des musiques du monde, des musiques à chanter, à danser, à voyager. Voici Traditionnel, comme chaque mercredi de 18h à 19h30 sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel. C'est le retour des programmes en direct. Vous retrouverez vos programmes de RDP International d'ici une petite heure. Voilà, nous allons passer une heure ensemble. C'est Violette en votre compagnie et nous avons débuté cette émission avec la formation Green Lads et le titre Autumn Lights, les lumières d'automne, bientôt les lumières d'hiver et les lumières de Noël. Voilà, il y aura déjà quelques titres de Noël, ce sera pour la semaine prochaine. Et tout de suite, une nouveauté, nouvel album d'Annie Ebrel. Voici le titre Les amoureux de 7 ans. C'est la traduction parce que le titre, il sera en breton. Thank you. Live pour Annie Abrel, vous entendez les applaudissements sous ma voix, et un album consacré à la fête, à la danse, et dont on écoutera d'autres extraits bien entendu au cours des prochaines semaines. L'album vient tout juste de sortir, il est sorti la semaine dernière. Je vous propose de poursuivre avec la formation Passant par Paris et le titre Nanon, on dansera une scottish. cochon à espère un berger. Est-il heureux le berger qui t'adore? Est-il heureux de se savoir aimer? Eh bien monsieur, il n'a pas à se plaindre. Eh bien monsieur, il n'est pas malheureux. Eh bien monsieur, il n'a pas à se plaindre. Eh bien monsieur, il n'est pas malheureux. Nanon, vient-on, allons sur ce feuillage. Nani, mouchou, clé, ni pas nous sous le. Oui, mais alors, tu peux craindre la lune. Eh ben mouchou, achète ta mi ou la pion. Oui, mais alors, tu peux craindre la lune. Eh ben mouchou, achète ta mi ou la pion. Dis-moi, Nanon, pourquoi cette arrogance? Dis-moi, Nanon, ne veux-tu pas m'aimer? Eh vous, monsieur, pourquoi être amoureux? Eh vous, monsieur, pourquoi tant m'agacer? Eh vous, monsieur, pourquoi être amoureux? Eh vous, monsieur, pourquoi tant m'agacer? Attendre cette Nanon avec celui qui la courtise, mais bon, peut-être qu'il l'a mérité, hein, on ne sait pas. On poursuit avec, petit retour en arrière, la mélodie de la vache folk, c'était l'album de Washington G, voilà, ça a déjà quelques années. Il n'y a eu qu'un seul album pour ce groupe Washington G, et voici le titre, La gavotte des Carpathies. Voilà, une gavotte qui ne sonnait pas très breton et qui, me semble, n'était pas très facile à danser, peut-être un petit peu rapide. On poursuit avec le duo Nello, extrait de leur premier album sorti en 2022. Entre-temps, il y a eu un album qui est sorti cette année, en 2025. Voici le titre, « Les yeux qui brillent ». Il arrive ce titre, Les yeux qui brillent. J'ai rencontré une fille là-haut. C'est un lundi qui a les yeux qui brillent. C'est un lundi, j'ai rencontré une fille là. Et c'est un lundi qui a les yeux qui brillent. Elle sourit mais ne dit rien, je repasserai la voir demain. On a beau dire, on a beau faire, le bonheur est éphémère. On a beau faire, on a beau dire, le temps ne fait que des martyrs. On a beau dire, on a beau faire, le bonheur est éphémère. On a beau faire, on a beau dire, le temps ne fait que des martyrs. C'est un mardi, j'ai retrouvé la fille là. C'est un mardi qui a les yeux qui brillent. C'est un mardi, j'ai retrouvé la fille là. C'est un mardi qui a les yeux qui brillent. Elle me fait un signe de la main, j'irai lui parler demain. On a beau dire, on a beau faire, le bonheur est éphémère. On a beau faire, on a beau dire, le temps ne fait que des martyrs. On a beau dire, on a beau faire, le bonheur est éphémère. On a beau faire, on a beau dire, le temps ne fait que des martyrs. Et c'est un jeudi, je suis allée voir la fille là-haut. C'est un jeudi qui a les yeux qui brillent. C'est un jeudi, je suis allée voir la fille là. Et c'est un jeudi qui a les yeux qui brillent. Elle me dit tu me plais bien, elle m'a montré son jardin. On a beau dire, on a beau faire, le bonheur est éphémère. On a beau faire, on a beau dire. Et c'est un samedi, je me réveille près de la fille là-haut. C'est un samedi qui a les yeux qui brillent. C'est un samedi, je me réveille près de la fille là. C'est un samedi qui a les yeux qui brillent. Elle me dit faut dégager car mon mari va rentrer. On a beau dire, on a beau faire, le bonheur est éphémère. On a beau faire, on a beau dire, le temps ne fait que des martyrs. On a beau dire, on a beau faire, le bonheur est éphémère. On a beau faire, on a beau dire, le temps. Et on poursuit avec une ridée 6 temps proposée par la formation Fahrenheit. Ça s'appelle Dans ma tête. Il y a une jolie vidéo qui accompagne ce titre. Et dans ma tête, voilà, il y a forcément de temps en temps des pensées un peu noires ou un peu au moins grises. Et la danse, eh bien, la danse, ça arrange tout. Et quand on danse, ça va forcément mieux. Voici Dans ma tête, la formation Fahrenheit. C'est à 10h passé, tu venais me chercher, faire un petit tour le soir, un tour à la ridée. Sans m'échanter au gué, dans son arrivée, mon gué l'arrivée. C'est à 8h passé, tu venais me chercher, faire un petit tour le soir, un tour à l'arrivée. Tout dans ma tête semblait chanter au gué, dans son arrivée, mon gué l'arrivée. C'est à 6 heures passées, tu venais me chercher, faire un petit tour le soir, un tour à la ridée. Tout dans ma tête semblait chanter au gué, dans son aridène et la ridée. C'est à 4 heures passées, tu venais me chercher, faire un petit tour le soir, un tour à la ridée. C'est à 2 heures passées, tu venais me chercher, faire un petit tour le soir, un tour à la ridée. Tout dans ma tête semblait chanter au gué, dans son aridène, au gué, la ridée. De 18h à 19h avec quelques idées de sortie juste avant de se quitter aux alentours de 19h. Et comme je vous ai promis du voyage, on n'a pas forcément besoin d'aller très loin. On est allé du côté de la Bretagne à l'instant avec cette ridée citant. Eh bien, allons dans les Cévennes avec la formation Tresse, musique des contreforts du Massif Central. Voici le titre « Dans Paris, y a-t-il une barbière ?» Thank you. C'était la formation Tresse, et dans toutes ces histoires, il y a toujours des filles et des garçons qui veulent un peu profiter de la situation, souvent. Voici le titre Montée à bord, la formation Harvest. Et nous voici à nouveau du côté de la Bretagne. On revient quelques années en arrière avec la formation Arcadie et un titre qui parle de l'histoire de la courte paille, celle où il faut tirer la courte paille pour qu'il y en ait un qui soit mangé. Allez, vous savez déjà un peu de quoi ça parle. Voici Trois matelots du port de Brest, la formation Arcadie. Trois matelots du port de Brest, trois matelots du port de Brest, trois matelots du port de Brest, trois matelots du port de Brest. Sur la mer de Malon, l'on l'a du grade, sur la mer se sont embarqués. Sur la mer de Malon, l'on l'a du grade, sur la mer se sont embarqués. Sont bien restés trois mois sur mer, sont bien restés trois mois sur mer, sont bien restés trois mois sur mer, sont bien restés trois mois sur mer. Sans jamais taire de Malon, la dura, sans jamais taire et aborder. Sans jamais taire de Malon, la dura, sans jamais taire les aborder. Au bout de 5 à 6 semaines, au bout de 5 à 6 semaines, au bout de 5 à 6 semaines. Au bout de 5 à 6 semaines, le pain le vin de Malon, la dura, le pain le vin, l'on va t'en manquer. Le pain le vin de Malon, la dura, le pain le vin, l'on va t'en manquer. T'as le tirer, la courte paille, t'as le tirer, la courte paille, va le tirer, la courte paille, va le tirer, la courte paille, pour savoir qui de Malon, la dura, pour savoir qui sera mangé. Savoir qui de Malon, qui serait mangé. La courte paille tombe sur le chef, la courte paille tombe sur le chef, et la courte paille tombe sur le chef, la courte paille tombe sur le chef. C'est le roi de Malon, la lira, c'est le roi qui serait mangé. C'est le roi de Malon, la lira, c'est le roi qui serait mangé. Oh non, dis non, mon capitaine, oh non, dis non, mon capitaine, oh non, dis non, mon capitaine. On reste embarqué et on va dans les haubans avec une formation québécoise, la formation Genticorum, qui est actuellement en France. Ils seront ce samedi du côté de Chartres, à côté de Chartres, à Mainvilliers. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des places. Une soirée avec Genticorum et la formation Fleuve. Une belle soirée que propose la ville de Mainvilliers. Et voici tout de suite Genticorum et le titre Dans les haubans. assez riche, gentil marin, tu n'es pas assez riche. Je suis si riche que le roi et sa fille dans les haubans, dans le vent qui vente, dans les gréments, l'alouette y chante. Je suis si riche que le et sa fille, je suis si riche que le roi et sa fille. J'ai trop d'amis qui sur la mer naviguent dans les haubans, dans le vent qui vente, dans les gréments, l'alouette y chante. Allez, puisqu'on est embarqué, on va aller jusqu'au continent américain, du côté de l'Amérique du Sud avec Fabienne Magnan. Voici le titre Métamorphose, extrait de son tout dernier album sorti en ce mois de novembre. Il s'appelle Corde sensible. C'est avec un branle, une suite de branle de Noirmoutier, de Sébastien Bertrand et de Christian Paché, mixé par Le Mangebal, que je vous propose de retrouver quelques idées de sortie. Ça commence dès demain avec une session irlandaise à 19h à la Chouquette Masquée, c'est rue de Bourgogne à Orléans. Ce samedi 29 novembre, du côté de Blois, on pourra retrouver Ronde Magnétique, un baltrade électro au Château d'Or avec Poulidor, Le Mangebal que vous avez actuellement sous ma voix et Newtrad DJ. Ceux qui n'ont pas peur de faire un petit peu de route, balançoire, c'est à Versailles et c'est ce samedi 29 avec Compost et le duo Supernovas. Et puis je vous ai parlé tout à l'heure, mais je ne sais pas s'il y a des places, de Genticorum et Fleuve à Mainvilliers dans l'Eure-et-Loire. Un bal folk ce dimanche à Vineuil dans le Loir-et-Cher. Vendredi 5 décembre, voilà, ça y est, on sera rentré dans le temps de l'Avent. Un petit bal à la salle Chantaloup avec Guerluchon, c'est à Marcilly en Villette. Et un concert d'Iskandar Trio à Orléans au Novotel également pour ce 5 décembre. Et une soirée musicale irlandaise au Meeting Pot à Saint-Jean-de-Bray avec Last Order. Et le samedi 6 décembre, un bal à Saint-Julien-de-Chédon avec Noir Anomis, Copen et le duo Tang Coup Droit. Soirée de présentation d'album de Fabienne Magnan, c'est à Paris, il faut aller aux Deux Pianos et ce sera le 4 décembre à 20h30, donc aux Deux Pianos à Paris. Voilà qui termine ces quelques idées de sortie. Je vous l'ai dit, la semaine prochaine, on sera rentré dans le temps de l'Avent. Alors, il y aura très certainement quelques titres de Noël qui traîneront dans l'émission. Et aujourd'hui, pour se quitter, on va terminer avec Zef et une mazurka. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine. Protégez-vous bien du froid pour ne pas attraper les petites maladies hivernales. Et puis, à très bientôt, je l'espère. c'était traditionnel sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel. Je m'en vais tout en douceur avec cette mazurka, cette violette en votre compagnie. J'ai été ravie de passer cette heure avec vous. J'espère que vous aussi vous avez apprécié ce moment. Alors si c'est le cas, on se retrouve mercredi prochain à la même heure. Excellente soirée et je vous laisse en compagnie des programmes de RDP International.